La conscience visionnaire. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La conscience visionnaire est favorisée par la fusion de l'âme avec l'esprit. Elle donne accès à des perspectives évolutives sur ce qui est appelé à être sur le plan matériel en fonction de l'agenda du plan mental. Lorsque l'âme est mise en relation avec la conscience de l'esprit, elle devient en mesure de canaliser de l'information par rapport à des projets que présente le plan mental se rapportant au devenir de l'humanité. Par conséquent, elle peut recevoir d'entités des dictées dans son mental ayant trait à différents sujets concernant l'humanité. Par exemple, cela peut être l'évolution des technologies, des rapports hommes-femmes, de l'éducation, etc. Comme pour toute autre chose, l'individu doit avoir un regard critique par rapport aux informations se rapportant à l'avenir qu'il peut recevoir dans son mental. Cela s'avère plus particulièrement vrai à l'égard de dates, car le futur est toujours en mouvement. Ainsi, il s'avère impossible de prédire avec exactitude la date où un événement précis va se produire. Par exemple, il peut être prévu par le plan mental qu'éventuellement l'humanité présente vive un contact public et officiel avec des extraterrestres. Par contre, nous ne pouvons pas en connaître la date exacte, étant donné qu'elle va varier en fonction des comportements humains et extraterrestres au fil du temps qui vont faire en sorte qu'il sera ou non précipité. Les informations se rapportant à l'avenir transmises dans le mental de l'humain ne sont pas toutes utiles. Elles peuvent provenir d'entités mentales et astrales avec différentes intentions. Les seules informations pertinentes se rapportant à l'avenir sont celles qui visent l'évolution de l'humain et un développement. Par contre, celles qui ont pour but de générer la fascination de l'être humain ou l'amener à ressentir des émotions comme de la peur et de l'anxiété à l'égard du futur peuvent être très nuisibles. L'utilisation de la conscience visionnaire par l'individu pour approfondir sa compréhension d'un sujet peut favoriser une dynamisation de sa conscience et l'expression d'une créativité, alors que de parler d'un sujet en fonction de ce qui a été dit ne fait que ressasser des mémoires mortes et le garde dans une vibration plus basse. La conscience visionnaire est tournée vers l'inconnu plutôt que le connu, bien que de parler à voix haute de choses prévues pour l'avenir par le plan mental peut donner momentanément de l'énergie et sert à préparer la réalisation de certains projets en étant abordé sur la surface de la Terre et dans son champ d'énergie, il n'en reste pas moins que l'individu doit toujours veiller d'abord à s'occuper intelligemment de sa vie. Sinon, il peut se retrouver dans une situation où il a accès à beaucoup d'informations se rapportant à l'évolution de la politique mondiale, de l'économie, des inventions, de l'éducation, etc., sans pour autant avoir une vie qui est agréable dans son quotidien. Donc, bien que beaucoup d'informations peuvent être projetées dans le mental de l'individu qui se conscientise pour préparer le plan matériel à vivre certains projets dans les prochains siècles, il n'en reste pas moins qu'il doit faire l'effort en priorité d'aller chercher de l'information sur le plan mental pour améliorer sa vie de tous les jours. Sinon, il va se retrouver dans la situation d'avoir plein d'informations se rapportant à des projets pour l'avenir, voués à des réalisations futures, et de ne pas avoir tiré profit de sa conscience visionnaire pour améliorer sa vie de tous les jours, concrètement, sur le plan matériel et se réaliser sur le plan personnel. Par exemple, un individu peut passer ses journées à recevoir des informations se rapportant au contact éventuel de l'humanité avec des extraterrestres dans son mental. Plus il est ouvert à cet événement prévu et plus il est susceptible de recevoir des informations s'y rapportant de part d'entités qui œuvrent à sa préparation. Par conséquent, cette personne risque d'en avoir 24 heures sur 24 et éventuellement négliger son temps de sommeil, ses relations avec les membres de sa famille, sa santé et son travail. Ainsi, au fil du temps, elle peut se ramasser privée de la garde de ses enfants, avec des problèmes d'insomnie et sans source de revenus. Par conséquent, si la personne ne voit pas à ses affaires concrètes, sa vie de tous les jours, eh bien elle risque de souffrir, d'agir sous l'influence d'entités qui ne se soucient pas nécessairement de sa situation planétaire, mais seulement que leur message soit diffusé à travers elle en vue de préparer les gens à certains événements. Il est possible que certains de ces êtres ne soient pas mal intentionnés, mais comme ils se trouvent sur un plan de réalité où ils n'ont pas à répondre à des contraintes se rapportant à la vie sur le plan matériel où se trouve l'humain, eh bien il est logique qu'ils ne prennent pas en considération que ces éléments ont de l'impact sur la vie de l'individu. Ainsi, bien qu'ils puissent être bien intentionnés, dans le meilleur des cas, ils peuvent nuire à l'humain malgré eux. C'est souvent lorsque l'humain s'avère confronté à une situation sur le plan matériel qui se dégrade, qu'il est amené à mettre ses limites par rapport à ses entités et à développer une capacité de recul critique à leur égard, l'amenant à être moins influençable par elles. Par conséquent, l'humain peut apprendre à arrêter volontairement la communication psychique avec ses entités pour être en mesure de dormir adéquatement la nuit, à être réellement présent à ses enfants, prendre soin de sa santé et réaliser correctement son travail. Donc, au lieu de capter des informations à n'importe quel moment de la journée venant d'entités, il apprend à les recevoir seulement quand cela fait son affaire. Par conséquent, cela lui évite de déséquilibrer inutilement sa vie. Donc, d'avoir une conscience visionnaire qui permet de recevoir des informations venant d'entités, se rapportant à des projets pour l'avenir, a son utilité et ses limites. Puis, si l'individu ne s'occupe pas de sa vie en priorité, cela risque d'être plus nuisible qu'utile, car ces données peuvent l'amener à devenir dysfonctionnel en société. Par conséquent, le fait qu'à l'époque présente, la plupart des gens n'aient pas accès à une conscience visionnaire qui soit très poussée, s'avère plus utile que nuisible pour eux. Cela s'explique parce que tant qu'ils ont la capacité de réflexion, soit de ressasser mentalement l'information avec l'ego plusieurs fois dans la psyché, au lieu de la laisser passer une seule fois, cette réflexion peut les amener à ressentir des émotions se rapportant à des pensées qu'ils reçoivent et se rappellent régulièrement dans la tête, ayant trait à l'avenir. Ainsi, ils peuvent vivre des chocs de l'insécurité, de l'angoisse, de l'envie, de la contrariété et de l'impatience en lien avec le futur. Donc, plus la personne réfléchit, et plus elle se disqualifie pour accéder à ce type d'information, et moins elle est en mesure de la gérer intelligemment en étant stable dans son mental et en ne l'émotivant pas. Dans un autre ordre d'idées, plus la personne peut avoir accès à des informations et entrer à un avenir lointain, et plus il est préférable qu'elle soit en mesure de contenir le temps qui la sépare de leur actualisation dans la matière. Par exemple, si elle est impatiente, cela risque de lui occasionner beaucoup de souffrance d'avoir accès à des informations se rapportant à une réalité humaine où la vie est plus facile qu'à l'époque actuelle. Elle risque de ne pas assumer son incarnation présente sur Terre. Elle pourrait passer sa vie à rêvasser d'une existence qui l'amène à être en déphasage par rapport à sa vie actuelle. Ainsi, la conscience visionnaire peut l'amener à se désinvestir dans sa vie présente si elle se laisse trop influencer par elle. Donc, elle pourrait passer son temps à écouter des films de science-fiction, lire des prophéties ou écrire des livres de futurologie tout en ayant une vie qu'elle trouve ennuyeuse. Par conséquent, au lieu de s'engager dans l'action pour améliorer son sort, elle vit dans l'attente passive que la situation s'améliore. Ainsi, il faut être très prudent par rapport à la conscience visionnaire qui peut favoriser l'individu ou lui nuire, tout dépendant de la manière qu'elle s'avère vécue par lui. Donc, il est important qu'il la gère intelligemment de manière à ce qu'elle lui serve plutôt que desserve. Voilà ce qui termine la lecture du texte ayant trait à la conscience visionnaire. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien Internet en bas de cet enregistrement.